pour l'heure, il est temps pour moi de retrouver Raymond Poirier pour la chronique technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Ça va bien ? Très bien. Alors tu n'es pas seul aujourd'hui, un invité que tu peux nous présenter, Jean-François Lalonde. Exactement, il est professeur au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université Laval. Il est avec nous pour nous parler et pour mettre la table peut-être un peu sur une conférence qui s'en vient jeudi le 15 octobre prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Une conférence qui s'intitule « Repousser les limites de la création 3D, lumière, météo et objets virtuels ». Monsieur Lalonde, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, quand on parle de travaux, de recherche en lien avec l'éclairage 3D, puisque c'est ce dont il est question, j'ai l'impression et j'imagine que tout ça s'inscrit dans une recherche inlassable de réalisme, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films ou ailleurs. Absolument, absolument. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de faire en sorte que les ordinateurs puissent comprendre l'apparence des objets, comprendre les photos automatiquement, et ensuite être capable de recréer de nouvelles scènes ou d'insérer des nouveaux objets dans ces photos-là, un peu à la manière qu'on voit dans les effets spéciaux au cinéma de nos jours. Donc, avec un but, évidemment, d'être le plus réaliste possible pour essayer de tromper l'œil d'une certaine façon. Oui, parce que nécessairement, si on veut avoir une emprise, si on veut croire dans un univers, ben, il faut que les objets aient une dimension dans cet univers-là. Et nécessairement, c'est à travers l'éclairage qu'on peut leur donner cette dimension-là. Absolument. Une des choses qui est très importante, c'est d'être capable de, comme vous l'avez dit, d'être capable d'éclairer les objets d'une façon réaliste, mais non seulement réaliste, mais aussi de la même façon que les autres objets qui sont réels, ceux-là, qui se trouvent peut-être déjà dans la scène, déjà dans la photo. Donc, un des gros défis qu'on a à faire, c'est d'être capable de justement d'être capable de retrouver, d'être capable d'estimer les conditions d'éclairage d'une photo qui a déjà été prise ou d'une séquence vidéo, et d'être capable de transférer d'une certaine façon ces conditions d'éclairage-là aux nouveaux objets qu'on tente d'insérer. Et jusqu'à récemment, ça, c'est quelque chose qui se faisait de manière manuelle, un petit peu plus par calcul, par analyse, et l'idée, c'est de passer à une approche qui est peut-être plus rapide, un peu plus automatique même, là. Tout à fait. Donc, si vous pensez aux films de nos jours, évidemment, les résultats sont extrêmement réalistes, sont très réussis, mais pour réaliser des résultats comme ça, donc ça prend... je dirais des dizaines puis des centaines même de personnes qui travaillent à la main, qui passent des heures et des heures et des heures là-dessus, souvent quelques jours avant les dates limites. Et donc il y a énormément de travail manuel qui est nécessaire pour atteindre les résultats qu'on obtient. Moi, un des buts de ma recherche, c'est d'essayer d'automatiser tout ça, d'essayer de rendre d'être capable de générer des effets spéciaux comme ça, que ce soit dans des films ou même dans des photos, de façon le plus intuitive, afin que monsieur et madame tout le monde puissent être capables de générer les mêmes effets. Et quand on parle justement, professeur Lalonde, de ces centaines de personnes qui travaillent justement sur des éclairages, on imagine que pour l'industrie, ça représente aussi beaucoup de sous, beaucoup d'efficacité. Et j'imagine que c'est pas pour rien justement que Disney Research s'est intéressé à ces travaux-là, à ces recherches-là. Absolument, ça demande énormément de temps, donc évidemment beaucoup d'argent. Je suis pas au courant des plans que Disney en particulier veulent, la raison pour laquelle ils s'intéressent à ça, donc précisément j'ai pas de détails, sauf qu'on peut effectivement penser que ça peut leur sauver énormément de temps lorsqu'ils créent des films. Et Jean-François Lalonde, donc si on veut justement bâtir un algorithme, bâtir un outil logiciel capable de créer des éclairages réalistes, qu'est-ce qu'il faut capter, qu'est-ce qu'il faut mesurer, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Ben, il y a plusieurs aspects qui sont importants. Je dirais, la majorité des travaux sur lesquels je me suis concentré s'effectuent donc dans des scènes qui ont lieu à l'extérieur. À l'extérieur, ce qui est important de bien comprendre et de bien capter, évidemment, c'est le soleil, n'est-ce pas? Donc, il faut être capable de deviner ou d'estimer, du moins, la direction principale de la lumière qui provient du soleil. Mais la direction, c'est pas suffisant. Encore faut-il être capable de mesurer son intensité, d'essayer de deviner l'intensité du soleil pour être capable de générer des ombres qui, non seulement, vont pointer dans la bonne direction, mais vont aussi avoir la bonne, la bonne teinte, la bonne profondeur d'une certaine façon, afin que l'objet qu'on insère puisse faire partie de ses environs d'une façon tout à fait naturelle, au même titre qu'un vrai objet, là, d'une certaine façon. Donc, il y a ces choses-là là, qui sont les principales. Et puis, la dernière chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que quand on insère quelque chose, évidemment, il faut que cet objet-là puisse interagir avec ses environs. C'est-à-dire que si je place, par exemple, une statue virtuelle proche d'un mur qui, lui, est réel, ben la statue doit projeter une ombre sur ce mur-là. Donc, il y a des interactions au-delà de l'éclairage de l'objet lui-même. qui doivent être estimées. Oui, puis j'imagine dans un contexte météorologique aussi où le ciel n'est pas toujours d'un bleu pur, on a des nuances de gris, des nuances de bleu, des nuages, etc. Oui, effectivement, surtout ces temps-ci. Hein. Tout à fait. Donc il faut aussi aller au-delà donc de juste la lumière, la direction lumineuse d'un seul illuminant, guillemets, comme le soleil, mais il faut être capable d'estimer donc les conditions météo au complet. Même si ça, faut garder en tête qu'on fait ça à partir d'une seule photo qui est prise au point de vue du sol, par exemple, donc une photo d'une rue ou d'un bâtiment ou quelque chose du genre. Donc, on voit pas dans la photo elle-même, on voit pas quelles sont les conditions météo, mais il faut être capable de les deviner d'une certaine façon, simplement qu'à partir de la photo. Et pour réussir justement à bien deviner, bien comprendre la lumière naturelle, sa composition, les ombres qu'elle crée, j'ai lu à quelque part que vous avez étudié et analysé quelques 10 000 photos qui ont été prises sur le campus de l'Université Laval. Absolument. Donc, une des façons qu'on fait nos recherches, on a installé une caméra sur le toit du pavillon Pouliot à l'Université Laval, une caméra qui pointe directement vers le ciel et qui est équipée d'une lentille qu'on appelle à champ de vue très large, c'est-à-dire qu'avec une seule photo, on peut voir l'hémisphère du ciel complètement. Et donc, on prend des photos, on prend, comme vous avez dit, on a accumulé près de 10 000 photos de très haute résolution, d'extrêmement haute qualité, qui nous permettent de bâtir des modèles, donc d'enseigner d'une certaine façon à l'ordinateur de quoi a l'air le ciel en général. Donc, évidemment que nous, de nos yeux, on sait très bien, ou de notre expérience, on sait très bien que le ciel est bleu quand il fait beau, et les nuages sont gris, le soleil est plutôt jaune. Tandis qu'un, évidemment qu'un ordinateur, ça le sait pas. Ça peut très bien deviner que le ciel est vert avec le soleil bleu, par exemple. Mais, donc, on bâtit des modèles comme ça, basés sur les données qu'on capture, pour enseigner ou pour faire en sorte que l'ordinateur puisse apprendre de façon tout à fait automatique de quoi le ciel est supposé avoir l'air. Et ensuite, à partir d'une photo au sol, on essaie d'extrapoler. En fait, on disait deviner tout à l'heure, mais on peut dire que c'est une devinette un peu informée. C'est-à-dire, on tire pas au hasard. Donc, on essaie de faire en sorte que l'ordinateur puisse déterminer, à partir de la photo, quelles sont les caractéristiques du ciel qui étaient à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est de déterminer ces éléments-là, de les intégrer dans des équations mathématiques, de les intégrer dans du code informatique pour en arriver à créer une intelligence logicielle, dans le fond. Effectivement. Donc, on combine plusieurs techniques de l'informatique et du génie informatique qui sont basées sur ces données-là qu'on a capturées. Ensuite, on applique des algorithmes, c'est des programmes informatiques, donc une série d'opérations là qui sont effectuées une à la suite de l'autre, afin de, avec des algorithmes d'optimisation, donc mathématiques, où on essaie de, je rentrerai pas trop dans les détails, mais on essaie de minimiser des fonctions d'énergie, etc., où justement le fameux minimum de cette fonction-là qu'on essaie de déterminer, c'est la réponse qu'on cherche. Donc, oui, on combine plusieurs méthodes ensemble afin de récupérer une réponse qui, on l'espère, va être le plus près de la réalité possible. Et donc, dans les dernières années ou dans les derniers mois, vous avez travaillé avec Disney Research là-dessus. Évidemment, le projet s'est poursuivi par la suite aussi à l'université. Oui. Où là, c'est plus le côté logiciel que vous êtes en train de développer? Oui, en fait, vous avez raison. J'ai commencé ces travaux-là quand moi-même j'étais chez Disney Research avant d'être professeur. Depuis 2 ans, je suis ici à Québec et je poursuis les collaborations avec eux, mais aussi je bifurque d'une certaine façon avec mes étudiants sur d'autres aspects de l'éclairage extérieur. En particulier avec un étudiant, là, on explore la capacité ou la possibilité de reconstruire la forme tridimensionnelle des objets à l'extérieur, par exemple des édifices ou des statues, des trucs comme ça, à grande échelle, mais simplement qu'en les regardant au fil du temps. Donc, on imagine, par exemple, avoir des webcams qui pourraient être distribués un peu partout dans une ville, qui regardent différents aspects, que ce soit des webcams de la circulation, de la sécurité, ou d'autres webcams qui regardent des bâtiments populaires, par exemple, pour les touristes. Donc nous, on collecte des données comme ça, et puis simplement en observant l'apparence de ces objets-là au fil du temps, évidemment que le soleil se déplace, les nuages se déplacent dans le ciel, donc l'éclairage, les conditions d'éclairage changent, et simplement qu'avec justement ces variations d'éclairage-là, on peut estimer la structure tridimensionnelle de l'objet. Et jeudi 15 octobre, dans le contexte de la conférence à Gabriel Leroy, on va explorer un peu les différents procédés que vous avez développés, le contexte dans lequel il se trouve, il se situe? Absolument, absolument. On va parler de la technologie en tant que telle et évidemment les possibilités que ça donne. Donc évidemment, on peut faire des effets spéciaux au cinéma ou même dans nos photos, donc des applications en photographie amateur pour les sites de partage de photos sur Internet, mais ça va bien au-delà de ça aussi. Là, il y a des applications, quand on comprend bien l'éclairage extérieur, on peut construire des voitures autonomes plus robustes qui sont capables de s'adapter à ces changements-là. On peut construire évidemment des nouveaux jeux vidéo, que ce soit des environnements en réalité virtuelle, en réalité augmentée, que ce soit justement des applications plutôt en préservation d'héritage, en muséologie, archéologie, etc. Donc, on va couvrir une panoplie de ces applications-là ensemble. Et j'ai l'impression que c'est le genre d'occasion où on ouvre un peu le rideau, on voit vers l'arrière-scène, ouais. Comment la 3D marche, dans le fond. Exactement. On en voit tout le temps que le résultat. Exactement, absolument. On va regarder ça un peu. On va ouvrir la voiture un peu, puis on va regarder comment ça marche à l'intérieur. Alors, je lance donc l'invitation. Je le rappelle, c'est jeudi le 15 octobre, pas jeudi de cette semaine, mais la semaine prochaine. C'est à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est une conférence gratuite qui s'intitule « Repousser les limites de la création 3D, lumière, météo et objets virtuels ». Jean-François Lalonde, professeur au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université Laval, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et merci à toi, Raymond Poirier. Mais j'avoue, je suis restée bouche bée parce que je découvre totalement un univers sur les objets virtuels, l'éclairage. Je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses dans cet univers-là. Donc merci, Raymond, de nous faire découvrir ça. Ça me fait plaisir. Et ton invité, bien sûr, Jean-François Lalonde. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur la conférence ou n'ont pas eu le temps de tout prendre en note, ils peuvent aller sur itis.ulaval.ca.